grand beau tapissier. Allons tapissons et vive les mariés. Mon vieux, si c'était toi qui épousais, le travail qu'on ferait serait vraiment parfait. Mais c'est un bourgeois qui va convoler. Il a de l'estomac, il y a de quoi rigoler. Allons en beau tapissier. Quand ce sera fini, on sera bien payé. Allons, travaillons en beau tapissier. Quand ce sera fini, on sera bien payé. Eh bien, ces rideaux, oh, dépêchons-nous, mes enfants. Dans une minute, tout sera fini. Alors, monsieur veut que l'appartement soit débarrassé. Mais la cérémonie n'est que pour 11 heures. C'est égal. Monsieur m'a défendu de laisser traîner des tapissiers dans l'appartement. Dites donc, entre nous, il est un peu âgé, monsieur, pour se marier. Il a 40 ans. Je lui ai fait les observations que je devais lui faire emmener. Tiens, ça le regarde. Mais la future n'a que 18 ans. C'est bien dangereux. Ça ne prouve rien. Moi, j'ai épousé une femme qui avait ça empêché. Comment vous, monsieur Pitois? Parfaitement. Vous ne le saviez pas? Non, je ne suis ici que de ce matin. C'est donc ça. Vrai malheur à monsieur, ce serait pain béni. En voilà un qui en a fait de toutes les couleurs. C'était un gandin. On l'appelait le gandin de la rue des Lombards. Il est jeune et droguiste. Il a été droguiste? Oui. Ah, on peut dire que cet homme-là a eu un moment bien brillant. Où sonne? C'est brisé. Depuis 12 ans, c'est moi qui le frise. Quand je vois un cheveu blanc, crac. Voilà, monsieur! Voilà, monsieur! Relevez les rideaux, c'est plus gracieux. Ne faites pas attention, c'est... Le bon père. La nouvelle femme de chambre de ma fille, celle que ma femme a arrêtée hier. Oui, monsieur. Oui, c'est Limard, enfin mon futur gendre. On le frise. Hein? Il se fait friser? Oh, le sournois, il nous disait que c'était naturel. Je vais le prévenir. On apportera le trudi. Vous disposerez tout ça dans la lingerie. Oui, monsieur. Voilà, mademoiselle, nous avons terminé. Ah, il y a encore les petits rideaux à poser dans la chambre à coucher. Entrez toujours, je vais vous les porter. Je vais avec vous. Je veux voir si tout est en ordre. On va tapisser, coucher, sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. Nous travaillerons en bon tapissier, qui sait son métier. Oui, monsieur. Voilà autre chose à présent. Monsieur qui me dit d'allumer du ce salon. Eh bien, puisqu'il vous le dit, faites-le. Enfin, du feu, au mois d'août, et un jour de noces. Eh bien, c'est pas vous qui payez le bois. Du feu, au mois d'août, et un jour de noces. Alors, Pitois, ce feu prend-il? On le souffle, monsieur. Bon, dépêche-toi. Monsieur a froid. Oui, ouvre la fenêtre et achève de me coiffer. Voilà qu'il veut que j'ouvre la fenêtre à présent. Bizarre. Bizarre. Combien monsieur veut-il de boucles? Oh, partout, partout, partout, et que ça ait l'air naturel, surtout. C'est égal. Un homme qui se marie, qui fait du feu au mois d'août. Et après? J'ai fait à monsieur les observations que je devais lui faire. Faites bouffer, je veux être très bien bouclé, frisé et pomponné pour plaire à mon aimé. Quand je me suis marié, mon beau-frère m'a pris, ça ne m'a pas empêché d'être un mari trompé. Quand ta femme t'a trompé, tu ne t'es pas révolté, je ne sais si tu sais comme il est doux d'aimer. Je ne suis qu'un valet, mais cependant je sais comme est doux un livret. Quand on a épargné. Fait, je veux être très bien bouclé, frisé et pomponné, pour plaire à mon aimé. Pour plaire à votre aimé. Pour plaire à mon aimé. Monsieur est bouclé. C'est très bien. Remets une bûche dans le feu et va-t'en. Voilà. Au mois d'août. Bizarre, bizarre. Là est ma petite collection, les lettres de ces dames. Oh, je ne le cache pas, j'ai aimé les dames et je l'ai toujours. Mais au moment de me marier, je ne puis garder chez moi ces souvenirs charmants. Aussi ai-je fait allumer le bûcher et je vais consacrer le fils. On dit que le feu purifie tout. Ah, allez, Linette, ma dernière. Une grande écriture rageuse, comme son caractère. Elle avait un mari. Oui, j'ai toujours aimé les femmes mariées. Une femme qui a un mari, un ménage, cela vous fait un intérieur. Et puis c'est rangé, c'est honnête. Quand elle a des bouquets, quelques sacs de bonbons, rien du tout. Mais par exemple, il y a le mari. Une espèce de gêneur qui s'éprend pour vous d'une amitié furieuse, qui vous raconte ses affaires, vous demande conseil, vous charge de ses commissions à ça. Ça, c'est le revers. Mais moi, j'ai toujours soigné le mari. C'est mon système. Ainsi, celui de Ninette Bocardon, courtier en indigo, nous nous tutoyons. Ah, ce Bocardon, il est charmant et serviable. Ainsi, toutes ces lettres, c'est lui qui... Chapeau. Un signal convenu. Bocardon me disait, « Ah, à propos... Ma femme m'a chargé de te demander ce que tu penses des Nord à 12%. Alors, je savais qu'il y avait une lettre sous la coiffe de ce chapeau à gauche. J'ai, et hop, je retirais la lettre. Ah, c'était charmant. Enfin, brûlons toutes ces lettres. Ça me fait de la peine, mais bah... Adieu ma Ninette, adieu ma Ninon, sache que je regrette Ninette et Bocardon. Quelle félicité Ninette m'a donné quand ses doigts brodaient un gentil tabouret. Adieu ma Ninette, adieu ma Ninon, j'étais un poète, je t'offrais des bonbons. Adieu ma Ninette, adieu ma Ninon, j'étais un poète, je t'offrais des bonbons. Oh quelle part, Ninette ma chérie, avec des radis et un peu de céleri. Tu faisais Ninette une bonne vinaigrette. On faisait Nini de belles économies. Adieu ma Ninon, adieu ma Ninette, adieu ma Ninette, adieu Bocardon. Adieu ma Ninon, adieu ma Ninette, c'est un vrai poète, le père Bocardon. Bien. Passons à une... Eh bien, ce sera charmant, mon beau-père. Bonjour, c'est Limard. Monsieur Colombo, qui vous amène si matin? Je venais jeter un dernier coup d'œil à votre installation. Ah, oui. Tiens, vous faites du feu? Au mois d'août? Oui, le fond de l'air est un peu frais ce matin. Et vous ouvrez la fenêtre? Ça fumait. Oh, le joli coffret. Prenez garde, c'est très fragile. Encore une surprise pour ma fille. Certainement. Nous le mettrons dans la corbeille. Oui, c'est ça, plus tard. Plus tard, plus tard, quand il sera... C'est Limard. Il faudra bien l'aimer, ma fille. Mais soyez tranquille, beau-père. J'ai peur que vous ne soyez un peu mûr pour elle. Oh, mûr, mais je n'ai tout de même que 40 ans. Je vous préviens qu'Emma et très enfant. Mais moi aussi. Ne riez pas comme ça, ça vous dessine la patte d'oie. Oh, ça, il est un peu ennuyeux. Voyez-vous, moi, je suis... Je ne vous cache pas qu'au premier abord, vous ne me plaisiez pas du tout. Tiens, oh, mais ça, pas du tout. Tiens, tiens, tiens. Oui, à ma femme non plus, d'ailleurs. Et qu'est-ce qui vous a poussé à... C'est le notaire, quand il nous a dit que vous aviez 40 000 livres de rente. Ah, ben vous êtes bien bon, je vous remercie. Ben, ça ne vous fâche pas, au moins. Comment donc? Très. Nous nous sommes dit, Célimard n'est pas jeune, oui. Célimard n'est pas beau, mais la jeunesse, la beauté, ça passe. 40 000 livres de rente, quand on a de l'ordre, eh bien, ça reste. Vous voyez, je suis franc, moi. Je le vois bien, mais remarquez que votre fille ne partage pas votre opinion. C'est vrai. Vous lui plaisez assez. Eh oui. Je ne comprends pas ça. Mais qu'y a-t-il d'étonnant? Mais je suis plaire à beaucoup d'autres. Vous? Tranquille. Oui, allons. Je vous quitte. Vous avez votre installation à terminer. Bonjour. Ne vous faites pas attendre à 11 heures précises. Quand Emma, ma fille, était une petite fille, souvent je l'embrassais et mon cœur sanglotait. Je me disais, mon vieux père Colombo, tu seras... Si ton gendre n'est pas beau. Mais je suis rassuré, le ciel peut s'écrouler. Il est riche à millions, sans banque, son cœur est sûrement bon. Il dit qu'il est franc, bien moi je le trouve malhonnête. Ah, il pense que je ne peux pas inspirer de passion à mon âge. Non, mais c'est à pouffer de rire. J'avais envie de lui ouvrir ce petit coffret. Oh, les lettres de Madame Vernouillet. Cette pauvre Héloïse. Ceci représente sa passion. C'était une saisissante bordelaise mariée à un vieux bonhomme sans éclat. Elle avait un défaut, mais alors un défaut terrible. Comme tous les gens de Bordeaux, elle adorait les champignons. Et elle prétendait les connaître, la malheureuse. Ainsi, tous les dimanches, elle, son mari et un petit panier, et nous allions dans les bois de Meudon cueillir les champignons. Elle s'écriait, voilà cèpe, ah, voilà une orange. Et elle fourrait tout ça dans son petit panier. Vernouillez-nous de très loin, c'était charmant. Le soir, on me retenait à dîner. Inutile de dire que je ne touchais pas cette affreuse fricassée assaisonnée. Aïe, non. Certainement, je ne suis pas plus poltron qu'un autre, mais je n'aime pas dîner avec de la morte au rat. Or, un soir, à 11 heures, elle me dit « À demain. » Et à minuit, j'étais veuf. Enfin, Vernouillet était veuf. C'en était fini de mes longues soirées. C'est alors que je songeais au bocardon pour m'étourdir. Ah, cette pauvre Héloïse. Elle avait un style. Tenez, par exemple. Mon cher ami, c'est demain la fête de Monsieur Vernouillet. N'oubliez pas de venir avec un petit bouquet. Et le lendemain, j'arrivais avec mon bouquet et un compliment comme un collégien. Oh, l'ai-je assez gâté, ce mari-là. Je le mettais dans du coton. Je faisais ses courses le matin, le soir sa partie de domino, tous les après-midi à 4 heures, j'allais le chercher à son bureau. Oui. Un jour, il eut mal au rein et... Non. Non, je le frictionnais tout simplement. Et elle me savait gré d'un simple regard, elle savait me payer de tous mes sacrifices. Allons, brûlons ces lettres. Ne nous attendrissons pas sur ces pauvres Vernouillets. Monsieur Vernouillet, le mari. Vous êtes seul? Mais vous voyez, je suis seul. Que voulez-vous? Nous n'y pouvons rien. Eh non, nous n'y pouvons rien. Il va me retarder pour m'habiller. Célimard, vous ne venez plus me prendre à mon bureau? Je vous attends tous les jours jusqu'à 4h15. Je me dis, je vais venir, mais vous ne venez pas. Mais excusez-moi mes occupations, n'est-ce pas? Célimard, vous ne m'aimez plus comme autrefois. Mon cher ami, quelle idée! J'étais habitué à vous voir tous les jours. Maintenant, c'est à peine si je vous aperçois de loin en loin. Mais je suis venu vous voir la semaine dernière. Non, vous êtes resté 5 minutes. Mais oui, mais j'étais pressé. Autrefois, vous passiez toutes vos soirées à la maison. Nous faisions notre petite partie de domino. Mais si, crois que ça va continuer? Évidemment, ma femme est morte. Ça m'a fait de la peine, mais je me disais, Célimard me reste. Oh, cher ami, cher ami, cher ami. Il est un peu ennuyeux, non? Quand vous m'avez fait part de votre mariage, je me suis dit, ben, tant mieux, ça me fera un intérêt. Pardon? Oui, il venait chez moi, j'irai chez lui, mais je rêve. Célimard, vous ne m'aimez plus? Oh. Non, vous ne m'aimez plus, comme vous avez déçu le meilleur qui franchement vous le dit. Si Héloïse vivait, sûrement elle en fait ingrat que vous a fait votre ami Bernouillet. Non, vous ne m'aimez plus, je le sais, je l'ai vu, comme vous m'avez déçu, déçu, déçu, déçu. Mais voyons, voyons, Bernouillet, pas d'enfantillage. Dernièrement, vous m'avez froissé. Vous m'avez cruellement froissé. Qui, moi? Vous ne m'avez même pas invité à votre repas de noces. Mais c'est de votre faute, vous êtes toujours dans les larmes. Dans les larmes, on ne peut pas pleurer tout le temps. Voilà 6 mois. Eh oui, voilà 6 mois. Eh oui, déjà. Écoutez, cher ami, puisque vous y consentez, eh bien, je vous invite. Voilà, c'est promis. C'est vrai? Oui. Oh, reviens là, vous allez voir que vous n'avez pas affaire à un ingrat. Et ma belle-mère qui m'a bien recommandé de n'inviter personne. Nous ne tenons que 16 dans la salle à manger et nous sommes déjà 18. Et mais enfin, un de plus, un de moins. J'ai pensé à vous ce matin. Oh, qu'est-ce que c'est? Ce sont 2 petits couplets oh. que je me suis amusé à griffonner. Oh, à votre attention. Il a pensé à ça, que c'est charmant, oui. C'est sur un air connu. Oui, oui. Un air que ma pauvre Héloïse aimait à chanter quelquefois. Oh. Oh. Gué, gué, mariez-vous, c'est une fable sage. Gué, gué, mariez-vous, le mariage est si doux. Un jour vous serez déçu, n'en faites pas un drame. Plus tard vous n'y penserez plus, dans les bras d'une autre femme. Gué, gué, mariez-vous, c'est une fin plus sage. Gué, gué, mariez-vous, le mariage est si doux. Car il importe avant tout de bien fêter ce mariage, de s'amuser comme des fous, le mariage est si doux. Gué, gué, mariez-vous, c'est une fin plus sage. Gué, gué, mariez-vous, le mariage est si doux. C'est charmant. Ah, il faut voir lever ça, surtout la fin. Enfin, que voulez-vous, nous n'y pouvons rien. Eh bien, je cours me changer et je reviens vous prendre. Oui, à 11 heures précises, n'oubliez pas. Soyez tranquille. Gué, gué, mariez-vous, c'est une femme plus sage. Gué, gué, mariez, c'est... Que voulez-vous? Oh, c'est drôle, depuis qu'il est veuve, je le trouve assommant. En voilà un que je négligerai après la noce. C'est moi! Mon cher ami, je ne reste qu'un instant. Vos cardons, mon numéro 2. Oh, dis donc, je viens de prévenir, car tu as fait une boulette. Paumé, heureusement que je l'ai réparé. Mais quoi donc? Oh, rien. Oh. Croirais-tu que tu avais oublié de nous inviter à ton pas de noces? Oh, mais je vais t'expliquer, c'est ma belle-mère. J'ai arrangé tout ça. Avant. Mais Ninette était furieuse. Elle me disait, je me le paieras, tu te souviendras. Alors j'ai tout pris sur moi. Ah oui. Tu vas voir comme je suis. Je lui ai dit que tu m'en avais parlé, que tu m'avais chargé de l'inviter et que ça m'était sorti de la tête. Alors, que ça soit tranquille, nous viendrons tous les deux. Oh, nous voilà 21 et on ne tient toujours que 16. Ah, malgré ça, depuis quelques jours, elle est d'une humeur. Tiens, au fait, c'est depuis que tu nous as fait part de ton mariage. Ah oui, c'est curieux, on dirait que ça la contrarie. Mais pourquoi serait-elle contrariée? Oh, c'est ce que je lui ai dit. Qu'est-ce que ça peut te faire, hein? Célimard, tant mieux. De sa femme, tu te feras une amie, car j'entends que nos femmes se lient. Mais oui, mais oui, mais oui, compte là-dessus. Dis donc, entre nous, je crois avoir découvert de sa mauvaise humeur. Ah, ah. Hein? Tu ne devines pas? Ah, non. Elle avait des idées sur toi. Des idées sur moi? Ah, bon, elle n'aurait pas été fâchée de te faire épouser sa cousine. Élodie! Tu crois? Je ne suis pas une bête. Mais comme je lui ai dit, Elodie n'est pas du tout l'affaire de Célimard. Pas du tout. D'abord, elle a les yeux. Oh. Ah si, elle louche incontestablement. Alors, Ninette s'est mise dans une colère. Elle m'a dit que j'étais un imbécile. Non mais preuve que j'avais deviné juste. Oh, comme oui. Tu connais bien les filles. Ah ben, la mienne surtout, oui. Platvine. Oui. C'est un flair. Alors elle a ajouté trop que ton mariage n'était pas fait, qu'il ne se ferait pas. Comment? Des bêtises, propos de femme vexée. Elle ne sait plus à qui s'en prendre. Tiens, à propos, tu sais la nouvelle cuisinière? Oui. Celle que tu nous as donnée? Oui, eh bien. Elle ne restera pas. Ah non, il y a eu des mots ce matin. Alors, il faut que tu nous arranges tout ça. Nous voulons aussi te consulter pour changer le papier de notre salle à manger. Mon ami... Ah oui, bien sûr, pas tout de suite. Marie-toi d'abord. Et reviens-nous vite. Car tu nous manques, Célimard, tu sais. Tu nous manques. Encore un qui croit. Jusqu'à Minotaure. Tu sais, mon Terre-Neuve. Il devient triste. Oh, la pauvre bête. Oh, aussitôt qu'il t'apercevait, se dressait sur ses pattes de derrière. Hein, comme ça, il donne son petit susuc. Là, hop. Oh, tu l'avais bien dressé. Oui, nous étions très amis. Oh, c'est au point qu'à peine, si tu passais sous la porte cochère, il se mettait comme ça. Oh, faut que l'homme ait un joli parfum. Mais les chiens ont beaucoup de draps. Oui, oui. Enfin, mon pauvre ami, nos soirées sont bien longues sans toi. Oui, bien sûr. Bon, eh bien, je te quitte. Faut que j'aille m'acheter des gants. Les miens ont craqué. À bientôt. Oui, adieu. Ah, à propos. Ma femme m'a chargé de te demander ce que tu pensais des Nords à 12%. Tiens, une lettre. Mais débarrasse-toi donc de ton chapeau. Mais je vais m'acheter des gants. Mais non, mais tu as le temps. Tu les achètes en allant à la mairie. Allez, donne-moi ce chapeau. Donne-moi ce chapeau, je le veux. Là, voilà. Ça, c'est un ami. Célimard. Oui, mais dis donc, tu ne m'as rien dit. Tu m'as rien dit de mon nouveau mobilier. Oh, mais c'est vrai. Tu as des meubles neufs. N'est-ce pas? Ah, c'est charmant. Voyons sous la couche, que peut-elle bien me vouloir? Oh, mais tu ne m'as rien dit de ma pendule. Ma pendule, regarde. Ah, oh, où as-tu trouvé ça? Hein, dans ton chapeau. Hein? Non, pas dans ton chapeau, mais non. Je l'ai acheté chez mon bro. C'est mon gros. Voyons, monsieur, à votre conduite, mais si vous êtes un homme d'honneur, vous me remettrez mes lettres avant midi. Ces lettres, et je les ai brûlées, Il faut que j'aille parler à l'instant. Là, ma belle-mère, déjà. Oh, c'est vous, monsieur. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'y a-t-il? Cet air bouleversé. Je vais laisser ma fille avec le coiffeur pour venir vous demander une explication. Ah, mais... Il faut que nous causions. Seul à seul. Oh, mais monsieur est un ami. Un type. Soit. Monsieur, il s'agit d'une lettre anonyme que j'ai reçue il y a quelques minutes à peine. D'une lettre anonyme? Sans signature? Je ne l'ai même pas montrée à mon mari. Je me suis jetée dans un fiacre, car dans une heure, il ne serait plus temps de rompre. Mais enfin de... Monsieur Célimard, oui. Votre fortune, votre brillante fortune, nous a fait déjà passer par-dessus bien des choses. Et pour ne parler que de votre âge, croyez bien que sans vos 40 000 livres de... Mais votre mari a eu l'obligeance de me parler de cela tout à l'heure. Mais dites-moi cette lettre... Oh. Elle nous révèle un fait monstrueux. Vous avez un attachement. Oh mon Dieu, un attachement sacre bleu. Une femme, c'est laquelle vous passez toute votre temps. Aïe, et l'autre qui est là. Toutes ces soirées, vous permettez, madame, c'est impossible. Pourquoi? Il passe toutes ces soirées chez moi. Pourtant, c'est une lettre. Pardon. C'est l'écriture de madame Beaucardon. Hein? Voyons voir. Non, attendez. Ah, pourquoi? On méprise et on ne leur fait pas l'honneur de les lire. Non, non, non, non, cachez, belle maman, je vais vous dire la vérité. Voilà. Eh bien oui, j'ai aimé une femme. Vous pensez qu'on n'arrive pas à mon âge sans... N'est-ce pas? Oui. Je suis allé chez elle tous les soirs pendant 5 ans. Pendant 5 ans? Tous les soirs? Ah non, pas tous les soirs. Mais d'un mot, je puis dissiper vos inquiétudes. Voilà, belle maman, depuis 6 mois, cette femme n'est plus. Une fin tragique et prématurée l'a enlevée à mon affection. Et... Il y a un mari. Je voudrais ça à Ninette, ça la fera rire. Oui. Cette femme, peut-on savoir? Ah non, je ne peux pas vous la nommer, car son mari existe. Ah, il ne serait pas content. Qui n'a fait pas une histoire? Oh, belle maman. Donnez-moi votre parole d'honnête homme. Je vous le jure, sur mon honneur. Paul III. Sauvé, j'ai la lettre. Il s'en tire, il n'y a que le... Ceci reste entre nous. Oui. Je n'en parlerai ni à mon mari, ni à ma fille. Merci. Je retourne auprès d'elle et reviendrai tantôt pour accompagner le trousseau. Oui, ah, dites-moi, belle maman, j'ai des 3 convives de plus. Comment? 21 couverts? oui, un vieil ami que j'avais oublié. Et en outre, M. Bocardon et sa femme. Oui, qu'il avait oublié aussi. Oui, n'est-ce pas? Moi, le jour de mes nuits, il est le notaire. Il est venu quand même. Trop flatté, monsieur. Oh, chez moi, madame, au contraire. Voulez-vous donc que je les fous? Petite table, voilà. À bientôt, belle maman. Ils ont dû lui faire la cour, ces trois cocolas. Est-ce qu'il veut donc que je les fourre sous le dessous de plat? J'avais juré qu'on serait 16, je l'avais juré. Car il convient d'avoir ses aises pour boire et manger. Où veut-il donc que je les fourre, ces trois cocolas? Il va falloir que je les bourre dans ce petit coin-là. Les lettres anonymes. Veux-tu que je te dise? Moi, je trouve ça hideux. Ciel, l'écriture de Ninette. Aïe, je n'ai brûlé que la moitié de la lettre. C'est l'écriture de ma femme, monsieur. Mais non, mais non, tu es fou. Complètement. Tu es fou, mais tu te trompes. Cette femme mariée. Mais non. C'est laquelle vous pensez toutes vos soirées. Mais écoute. Mais je ne suis pas dupe de la fable que vous avez... Monsieur, il me faut une explication. Mais voilà, un silence. Voilà, du monde. Envoyez ce monsieur, nous avons à cause. Voilà, j'ai passé mon avis noir et j'ai trouvé un nouveau couplet. Voulez-vous que je vous le lise? Non, non, c'est pas le moment, c'est pas le moment. Pourtant, en souvenir de ma pauvre femme que nous aimions tant. Hein? Oui, parce que il faut vous dire que pendant 5 ans, monsieur a passé toutes ses soirées chez nous. 5 ans? Oui. Tiens, tiens. Non, non, je vous en prie, je vous en prie, n'ennuyez pas, monsieur. Et madame votre épouse? Nous avons eu la douleur de la perdre. Allons bon. Une fin tragique et prématurée. Alors, c'est vous le... Le quoi? Le... Je préfère que ce soit lui. Mais qu'est-ce qu'il a à rire, ce monsieur, là? Je lui parle de mes malheurs. Non, mais ne faites pas attention. C'est un tic. C'est nerveux. Oui, mais alors, en ce cas-là, on consulte un médecin. Cher ami, pardonne-moi de t'avoir soupçonné. Oh, vous m'avez fait du mal, Bocardon. Que veux-tu? C'est la faute de ma femme aussi, avec sa lettre. Employer un pareil mot. J'ai sa couche. Non, mais il faut lui pardonner. Non, tout. Nous causerons ce soir. Je n'ai jamais frappé une femme. Ah, Bocardon. Alors, il est 11 heures, n'est-ce pas? 11 heures, mon Dieu, 11 heures déjà. Vous permettez, je vais passer un habit. Voilà, je vous laisse ensemble tous les deux. Ah, je n'ai pas fait les présentations, excusez-moi. Monsieur Vernamy, monsieur Bocardon, mon meilleur ami. Monsieur. Voilà, ils sont parfaits, tous les deux. Il a tout à fait le physique de l'emploi. C'est un homme bien aimable que Célimard. Ah oui, c'est un homme charmant. Tiens, son tic est passé, là. Vous devez bien l'aimer. Bien sûr, c'est mon meilleur ami. Naturellement. Là, ça le reprend, là. Vous ne souffrez pas? Moi, non, pourquoi? Pour rien, non. Alors, comme ça, pendant 5 ans, il venait tous les soirs. Soir, il venait chez vous. Tous les soirs. Il n'a pas manqué un seul jour. Nous faisions notre petite partie de domino. Je faisais la partie du mari, comme c'est nature. Mais depuis 6 mois, depuis le départ de ma pauvre Héloïse, il nous m'a un petit peu négligé. Ah, madame. Hein? Rien. Je ne sais même pas où il passe ses soirées. Moi, je le sais. Ma femme avait beaucoup d'estime pour lui. Mmh. Elle lui brodait tantôt une chose, tantôt une autre, un bonnet grec. Des pantoufles. Des pantoufles. Oh Dieu, c'est nature. C'est encore son pic. Vous n'avez jamais consulté Consulté pourquoi? Pour rien. Il nous faisait l'amitié de venir dîner à la maison tous les mercredis. Tous les lundis. Ah oui, ah oui, je me disais aussi parce que mercredi, c'est chez nous. Et comme il a une cave bien montée. Ah ça c'est vrai. Il nous apportait chaque fois une fine bouteille que nous buvions au dessert. Je me souviens d'un certain Kirsch. Je le connais. Monsieur en a goûté. Tous les mercredis. Un vrai nectar. Oh, monsieur, j'ai été vraiment enchanté de faire votre connaissance. Chez moi, au contraire. Mais non, c'est moi. C'est charmant, il fraternise. Dis donc, je viens de causer avec lui. Oui. Oh, il fait mon bonheur. Ah, non, mais écoute, ne va pas supposer des choses. Allons, laisse-moi tranquille. Je m'y connais. C'est vrai, il s'y connaît. Monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, qu'est-ce qu'il y a? Madame Bocardon est là dans votre cabinet. Elle a passé par la lingerie. Oh mon Dieu! Elle a demandé si monsieur avait laissé un paquet pour elle. Je lui ai dit que non. Ses lettres? Oui. Dois-je la faire entrer? Non! Qu'est-ce qui se passe? Rien. Mais on frappe. Mais non, c'est laisse-moi, laisse-moi, je vais leur parler, moi, tu vas voir. Oh! Attendez au moins qu'on soit parti! Elle a connu sa voix. On n'entend plus rien. Il suffit de savoir parler aux ouvriers, c'est tout. Oh, je m'en vais. Oui, nous partons. J'achève de mettre mes gants et nous partons. Le temps de la laisser partir par la lingerie. Eh bien, mon gendre, cachez, les voitures sont en bas. Mais oui. Nous partions. Je viens de fermer la lingerie à clé. Comment? J'y ai fait déposer le trousseau et à cause des ouvriers... Elle est bouclée. Donnez-moi votre bras. Mais comment la sauver? Attendez, j'ai un ordre à donner. Ah, non, pas non, non, non. Messieurs. Oh, le coffret. La surprise. Il y a là quelque chose. On apportera la corbeille ce soir, vous mettrez ça dedans. Messieurs, je vous montre le chemin. Oh, passez. Non, non, je vous en prie. Ah, après vous. Non. Je n'en fais rien d'ancien. Ah, c'est juste. Fais mon bonheur. Ils étaient 21, ils ne sont plus que 4. J'ai mangé comme pas un, comme un gros rocoq en pâte. Ah, si j'étais dévoré les restes, hélas, je suis patraque, je m'en vais faire la sieste. Ils étaient 21, ils ne sont plus que 4. J'ai mangé un, comme un gros coq en pâte. 4 couverts. Le papa et la maman vont venir déjeuner. Des parents, ça gêne. Des jeunes mariés, ça attend de petites choses à se dire. Oh, monsieur et madame, dérobons-nous. Ah, c'est bon d'aimer une petite femme à soi tout seul. Ça n'est plus du tout la même chose. Emma? Oh. Mais vous paraissez triste, Emma. Non, monsieur. Est-ce que vous êtes souffrante? Non, monsieur. Oh, elle est intimidée, la pauvre petite caille. Ah, monsieur, voulez-vous finir? Puisque nous sommes seuls. C'est pas une raison, monsieur. Oh, monsieur, quel vilain mot, c'est froid, c'est cérémonieux. J'ai l'air d'être un invité. Comment voulez-vous que je vous appelle? Eh bien, Paul, appelez-moi. Je vous appelle bien Emma, moi. Oh, je n'oserais jamais. Oh, mais votre papa ne se gêne pas pour dire à votre maman, Séraphine. L'autre jour encore, il dit, Séraphine, tu m'ennuies. Et elle lui a répondu, tu n'as pas le sens commun. Eh bien, voilà un bon ménage, un vrai ménage où l'on se tutoie. Emma, Emma, est-ce que vous... Oh, non, pardon. Est-ce que tu craindrais de me tutoyer? Oh, pas maintenant, plus tard. Nous ne nous connaissons pas assez. Oh, par exemple. Qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur? Rien. Oh, ma chère enfant, si tu savais comme je suis bon, comme je suis gentil avec les femmes. Ah, avec les femmes? Oui. Vous avez donc aimé d'autres femmes, monsieur? Oh, sa perlipopette. Moi, mais jamais, jamais, jamais. Est-ce bien vrai? Mais demande à ton père, il me connaît bien, lui. Et vous, si vous m'aviez trompée? Oh. Je ne vous le pardonnerai de ma vie. Tu es donc jalouse. Dame, je ne sais pas. Mais quand je pense que vous avez pu aimer une autre femme, que vous l'avez embrassée, peut-être... Oh, mais est-ce qu'on s'embrasse comme ça? Mais dans le monde, on n'embrasse que sa femme, que sa petite... Oh. Monsieur... Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Monsieur, c'est les vieux. Les vieux? Oui, le papa et la... Eh bien, il est poli, votre domestique. Oh, imbécile! Le fiacre vient de s'arrêter devant la porte. Oh, je cours au-devant de lui. Et par le bas, hier soir j'étais dans une inquiétude. Comment as-tu fait sortir la personne qui était chez moi? Madame Bocardon. Chut, parle plus bas. Eh bien, elle fait une peur. Ah oui? Quand je suis rentré... Chut, j'étais allé voir ma femme qui a touché son moi. Ah. J'ai entendu du bruit dans la lingerie. J'allais prendre la pincette lorsqu'une voix de femme m'a crié « Ouvrez !» Mais tu n'avais pas de clé. Eh non, elle était enfermée des deux côtés. Alors j'ai dévissé la serrure. C'est parfait, merci mon ami. Allez, continue. La malheureuse mourait de faim vu qu'il était 9 heures du soir. Oh, 10 heures de lingerie. Alors je lui ai offert un restant de nantilles, mais elle est partie comme un coup de vent. Heureusement, Bocardon ne s'est aperçu de rien. Je l'ai occupé toute la journée à les conduire et chercher des dames. Pis-toi, je suis con... Tiens. Voilà 20 francs. Oh, monsieur. Non, tu iras acheter un bouquet de roses blanches après le déjeuner pour ma femme. Ah, comme ça, la pièce, c'est pour le bouquet. Voilà. Servez donc les grands. Oh, oh. Oh, belle maman, beau papa. Votre main, mon gendre. Paul, embrassez-moi. Oui. Servi. Allons à table. Venez-vous, monsieur. Ah. Monsieur? Non, non, mais ce n'est rien. Un peu de thé encore. Ah, la bonne heure. Nous étions 21, la fête est terminée. N'est pas le déjeuner, par bonheur on a faim. Il faut finir les restes, ce serait vraiment bête qu'on en fasse profiter la domesticité. Nous étions 21, la fête est terminée. N'est pas le déjeuner, par bonheur on a faim. Ben, si j'étais raisonnable, je ne prendrais que du thé. Ah, bon papa, vous avez merveilleusement fonctionné hier. Et vous, maman, votre petit repas était épatant. Oh. Épatant. Oh, nous étions un peu trop serrés. Voilà, je connais un de tes voisins qui ne s'en plaignait pas. Oh, oh, de charmant. Il a de l'esprit. Ah, mais si nous étions serrés, c'est la faute de ton mari qui nous avait invité 3 personnes de plus. Oh. Ah oui, monsieur Bocardon. Il me plaît, cet homme-là. Il est gay. Et complaisant. Oui. Mais pourquoi donc sa femme n'était pas venue? Eh bien, elle a été retenue, bien mal. On l'a dit charmante. Charmante. Par exemple, j'aime moins votre autre ami, le triste. Oh. Ah oui, Vernouillet. Oh, il est grognon. Oh. Mais pourquoi diable a-t-il chanté un couplet, pardon, contre les champignons? S'il a voulu faire une critique de mon dîner. Oh, comment pouvez-vous, maman? Vous le voyez souvent, ce Vernouillet, hein? C'est Vernouillet, mais je ne le vois jamais. Ah. Jamais, jamais, jamais. Monsieur Vernouillet. Lui? Lui? Lui? Mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Vous ne vous dérangez pas? Vous déjeunez déjà? Mesdames, messieurs. Soyons froids. Le pauvre garçon, il vient pour déjeuner? Asseyez-vous dans vos Vernouillet. Je vous remercie. Et vous allez bien ce matin? Parfaitement. Mon gendre, passez-moi les radis. Ils sont finis. Je n'ose pas l'inviter. Et vous allez bien ce matin? Parfaitement. Autrefois, vous ne vous mettiez à table qu'à 11 heures. Mon gendre a changé ses heures. Oui, j'ai changé parce que... Et vous allez bien ce matin? Parfaitement. Je me suis dit, il fait beau. C'est vrai, il fait beau. Hein? Il fait beau dehors. Alors, il y a un soleil. Invitation à la promenade. Alors, j'ai pensé prendre de vos nouvelles. De vos nouvelles. De vos nouvelles. Non, mais je vois que vous portez bien, alors je vous laisse, n'est-ce pas? Adieu, adieu. Madame, mesdames, messieurs, pas même un verre d'eau. On ne s'en irait pas. Est-ce qu'il va prendre l'habitude de tomber comme ça chez vous? Non, c'est un vieil ami de ma famille. Il venait chercher de mes nouvelles. Ah. Eh ben, il en a. Il est content, il n'en reviendra plus. Thank you. Monsieur Bocardon. Je m'annonce tout seul. Oh, il me va tout à fait, cet homme-là. Il est gay. Mesdames, messieurs. Avez-vous déjeuné? Merci, madame, c'est fait. Célimard, je viens te chercher. Mais moi, pourquoi? Elle est partie. Elle est partie. Qui ça? Elle a cuit encore un ruyer-mousse ce matin, alors cette fois, elle est partie. Enfin, qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? J'en ai deux en vue. Une petite picarde et une bourguignonne. Alors, il faut que tu les vois. Ah, madame, je vous préviens que je vous le prendrai souvent. Nous ne faisons rien sans lui. Mais mon mari sera toujours heureux de se mettre à votre disposition. Ah, tu vois, tu as la permission. Allez, prends ton chapeau. Non, non, je ne suis pas en train, je ne sortirai pas aujourd'hui. Bon, cuisinière. Oh, mais je ne m'y connais pas en cuisinière. Mais il va pas me lâcher, hein. Il ne se connaît pas. C'est lui qui nous les donne toutes. En vérité, mon gendre, vous êtes avec vos amis. Vous ne le grondez pas, madame. Il y a ses nerfs. Oh, je savais bien que j'oubliais quelque chose. C'est pour notre papier. Veux-tu couleur marbre ou couleur bois? Mais je le veux, je le veux, je le veux, je le veux comme tu voudras. Oh. Qu'est-ce qu'il a? Oh, voilà un qui est gentil avec les petites fleurs. Ça coûte combien de rouleaux, ça? 3,75 francs. C'est dans mes prix. Je vous demanderai la permission d'amener ma femme pour le voir. Ah non, c'est inutile. Non, inutile. Bah, pourquoi inutile? Trop enchanté de faire connaissance avec madame Bocardon. Ah, enchanté. Et nous espérons bien lui rendre votre visite. Entre nous, j'y compte un peu. Célimard, je veux que nos femmes se lient. Ah, pardon, c'est toi qui me disais ça. Tiens, veux-tu que je te dise, toi, tu n'as jamais aimé ma femme. Ah, bah ça, par exemple. Oh, c'est elle qui me l'a dit. Oh, vous êtes tard ce matin encore. Mon gendre regrettait de n'avoir pas vu hier, madame Bocardon. Quand la voiture est allée la chercher, elle n'était pas chez elle. Ah, oui, je sais, elle était à l'église. Ah, elle était dans... Et tu l'as vue? Ah, non, mais elle m'a vu. Qu'est-ce que c'est? C'est rien, c'est le couvercle du sucrier. Oh, maladroit, allez, va-t'en, va-t'en. Allez, Marie, dire que j'ai été comme ça. Ah, mes amis, il faut que je vous quitte. Ah oui, j'ai un tas de courses à faire, tenez, voici ma liste. L'emploi de ma journée. Passer chez Célimard. Oui. Alors ça, c'est fait. C'est fait, lui parler du papier peint. Ah ben ça, c'est fait. Fait. Lui parler de la pompe. Pardon? Oui, la pompe. La pompe, c'est la pompe de la maison. Alors tu sais, elle aspire, mais elle coule plus, alors il faut que tu examines ça. Hein. Passer aux Italiens. Oui, ben, tu permets, je m'assieds. Oui, je t'en prie. Ah, il faut vous dire qu'il y a aujourd'hui aux Italiens, à 3h, un concert mirobolant. Oh, c'est donc la Patti chante, la Penco chante, l'Alboni chante, tout le monde chante. Ah, ce sera charmant. N'est-ce pas? Oh, une idée. Venez ici, je vous présenterai ma femme. Oh, mais quelle bonne idée. Excellente. Il va pas nous laisser tranquille avec sa femme. Oh, une idée encore meilleure. Oh, je crains le pire. Au lieu de nous trouver là-bas à 3h, je mets ma femme dans un fiacre et je vous l'amène ici. Oh, bravo, ce sera charmant. De cette manière, elle fera connaissance avec ces dames. Elle sera complète. Eh bien, elle n'entrera pas, dussé-je démolir l'escalier. Alors, reprenons. Renouveler mon assurance. Alors ça te regarde. Oui, oui, oui, oui. Passer chez Léon. Léon. Léon, c'est un cousin de ma femme. Passer chez Léon, lui demander ce qu'il pense des Nords à 12%. Tiens, déjà. C'est un bon garçon, pas très fort, mais bon garçon. Impossible de m'en aller. Il voulait pas prendre mon chapeau. J'aurais qu'il porte une réponse dans son chapeau, si je pouvais... Vous opérez sur les... Ah non, pas moi, c'est ma femme. Ah, mais la Bocardon. Ah oui, c'est pareil. Elle a un faible pour cette valeur. Ah, voilà, j'en étais sûr. Un mot de Léon au crayon. Tuilerie, c'est parfait. Le concert est à 3h, je mets un 3 au lieu d'un 5. À 3h, aux Tuileries. Elle sera où tu la connais. Et pour terminer, ne pas oublier de me faire coiffer. Encore. Non, rien du tout. Monsieur Vernouillet. Oh, c'est insupportable. Mesdames, messieurs, je ne vous importunerai pas longtemps. J'ai juste un mot à dire à monsieur Célimard. Oh. Renvoyez-le. Oui, débarrassez-nous-en. Oh, mais ça ne durera pas longtemps, ça je vous assure. Bien, Emma. Nous avons juste le temps de nous préparer pour le concert. Bon, eh bien, je vous quitte. Nous serons ici. Oui, oui, c'est entendu. Allez, c'est j'arrive. Entendu. Hein. Ah, hein. Mais tu oublies ton chapeau. Oh, mon chapeau. Qu'est-ce que je ferais sans mon chapeau? Oh, c'est très important. Bon, à l'autre maintenant. Je vais lui faire comprendre que ses visites sont par trop multipliées. Mon cher Yen, j'ai à vous parler. Moi aussi, je suis venu pour ça. Vernouillet, inutile de vous dire combien je vous aime. Vous savez que je vous ai donné beaucoup de preuves d'amitié. Jadis. Vous plaisez beaucoup à ma femme, certainement, mais je dois vous dire que c'est une petite sauvage. Beaucoup les relations nouvelles. Alors, vous savez ce que c'est, un mari. Un mari doit faire des concessions. Mais j'irai vous voir tous les jours. Tous les jours. J'ai compris. C'est un congé. Oh, Vernouillet, voilà une parole blessante. D'ailleurs, je devais m'y attendre après ce qui s'est passé hier à la noce. Quoi donc? Vous avez jugé convenable de passer au bout de la table avec les enfants? Oh, mais vous les aimez? Oh, je les aime entre les repas. Et puis ça n'est pas ma faute, c'est ma belle-mère qui a dessiné le couvert. Quand j'ai chanté, au dessert, on a parlé, vous n'avez même pas réclamé le silence. Vous-même, vous avez causé. Oh. Je vous dis que vous avez causé. Oh, permettez. Oh, mais il est exigeant à la fin, cet animal-là. Il est gâté. Tout à l'heure, lorsque je suis venu, vous étiez à table. Vous ne m'avez même pas offert un verre d'eau. Je suis parti, le cœur ulcéré. Oh, mais voyons, Bernouillet. Et savez-vous, je suis allé. Non. Je suis allé déjeuner. Je suis allé déjeuner à 25 sous, à votre porte. Oh. Et là, je me suis mis à faire des réflexions. Du temps où ma femme vivait, Célimare était aux petits soins avec moi. Maintenant qu'elle n'est plus là, il me lâche. Pourquoi? Mais qu'il aille au diable avec ses réflexions! Mais ai-je ajouté, s'il me lâche, c'est que ce n'est pas moi. C'était donc ma femme. Oh, c'est mal, c'est très mal, Bernouillet. Le voilà jaloux maintenant, hein? Soupçon horrible a traversé mes pensées. J'ai revu brusquement toutes les circonstances de notre intimité. Ah non, ne vous montez pas la tête, Bernouillet, ne vous montez pas la tête. J'ai déjà choisi mes armes. Non, pas un duel. Non, le duel est un préjugé barbare. Je vous attendrai. Un soir, au coin de votre rue, avec des pistolets. Alors un meurtre? De deux choses l'une, ou c'est ma femme ou c'est moi que vous aimiez. Je ne sors pas de là. Mais c'est vous que j'aimais. Alors, pourquoi me négligez-vous? Mais je ne vous néglige pas, tenez. Je sauterai dans l'eau pour vous. Non. Tenez, demandez-moi un service, un petit service. Des phrases, tout ça, ce sont des phrases. J'ai acquis aujourd'hui la preuve de votre parfaite indifférence. Comment? Célimare. Aujourd'hui, c'est ma fête. Allons bon. Oh, mon cher ami, permettez-moi de... Tout ce matin, j'ai attendu votre bouquet. Allons bon. Depuis 5 ans, c'est la première fois que vous l'oubliez. Mais non, je ne vous ai pas oublié. Je l'ai commandé, il va venir. J'assure qu'il va venir. Mais oui, il va venir. Tenez. Le voilà. Oh. Oh, mon ami, mon cher ami. Ah oui. Il le donne aux vieux. Oh, et des roses blanches. Oh, comme j'étais injuste. Oh. Et pourtant, quand j'y songe, quand enfin vous ne quittiez pas ma femme. Oh, il va recommencer avec sa femme. Et je me souviens même qu'un jour, vous... Aïe! Qu'est-ce que c'est, Bernouillet? C'est mon rhumatisme. Attendez, rhumatisme, attendez. Là, attendez. Voilà, comme autrefois. Il le bouchonne. Oh, Célimare le magnifique, vous me donnez la joie unique que ressent tout paralytique, soulagé de ces maux iniques. Je me disais, j'avais bien tort, l'amour de Célimare est mort, mais tout comme avant recommence dans une joyeuse magnificence. Condamné aux frictions forcées à perpétuité. Hein? What? Mais qu'est-ce qu'il lui fait donc? Ah! Oh, ça va mieux. Ah! Oh, ça va mieux. Très bien. Ah. Oh! Regardez, comme il est joli, de votre mari. Comment? Oui, il faut vous dire qu'aujourd'hui, c'est ma fête. Oui, c'est sa fête, c'est la Saint Bernouillet. Ah oui, mais vous ne m'en avez jamais donné de si beau. Hein? Oui. Tous les ans, pour ma fête. Tiens, mon garçon, tu mettras ça dans l'eau. Mais qu'est-ce que ça signifie? Si c'est comme ça qu'il le met à la porte. Oh! Vous m'avez fait. J'ai fait faire ma photographie. Ces dames ne seront pas oubliées. Il y en aura pour tout le monde. Ah bon? Attendez, je vais mettre une dédicace de ma main. Oui, c'est ça. Allez dans mon bureau. Non, vous dérangez pas, je connais. Ah, ça, bon gendre, qu'est-ce que cela veut dire? Vous deviez le renvoyer. Et vous lui donnez des bouquets. Comment? Mais un petit bouquet pour sa fête. Bien plus frictionné pour sa fête. Est-ce que vous lui devez de l'argent? Non, il m'a rendu un service. Un très grand service. Lequel? Attendez. Voilà. C'était un soir. Non. Il faisait extrêmement chaud. J'étais allé vaguement à l'école de natation. Quand tout à coup, mes pieds se prirent dans les filets. Je tirais. Impossible de me dégager. Je commençais à faire des réflexions sérieuses. Disais-je, oui, parce que dans le fond de l'eau, on ne peut pas crier. Ah oui, c'est vrai. C'est ça. J'en étais là, quand tout à coup un homme, pourquoi ne le nommerais-je pas, Vernon. barbier, l'intrépide Vernouillet se précipite dans les flots. Oh, elle venait de manger. Notez le détail, il venait de manger. Alors... 11. Il me rejoint. Il me dit, courage, Célimare, ne désespère pas. L'eau. Son œil semblait me dire, courage, Célimare, ne désespérez pas de la Providence. Alors, avec une énergie qu'on ne soupçonnerait pas, il déchire le filet. Avec quoi? Avec un couteau. Non, enfin, avec ses ongles, avec ses dents dans l'eau, on prend ce qu'on trouve. Oui, il me prend par le bras, monte à la surface, aux applaudissements de toute la populace. Oh, c'est super. C'est magnifique. Quel brave homme. Alors, c'était un très fort plongeur. Oh, lui, 22 minutes sous l'eau, sans boire ni manger. Ça me rappelle que l'autre jour, en pêchant au bord de la Seine, j'ai laissé tomber ma montre dans l'eau. Est-ce qu'il serait capable de la retrouver? Lui, il est capable de tout. Et voilà l'homme auquel vous ne voulez pas que j'offre un misérable petit bouquet pour sa femme. Mais nous ignorions. Que vous voulez que j'exile de mon foyer? Eh bien non, attaquez-moi, blâmez-moi, mais il y a un courage que je n'aurai jamais, c'est le courage de l'ingratitude. Très bien. Si nous l'avions su, mais pourquoi ne nous avoir pas raconté cela plus tôt? Mais parce que Vernouillet n'aime pas qu'on en parle, ça le contrarie. Non. Comme tous les plongeurs. Oh, ça suffit. Nous ne lui en ouvrirons pas la bouche. Alors. Monsieur, qu'est-ce que c'est? Il y a deux cuisinières qui demandent à vous parler. Oui, oui, celle de Monsieur Bocardon. Ah non, non, je n'y suis pour personne. Pour personne. Oh, mais vous pouvez vous en dispenser. Mais enfin, vous faites une malhonnêteté. Venez, mon ami, venez. Oh, pas des cuisinières. Mais c'est ton mari n'est guère complaisant. Oh, oh, papa. Oh. Monsieur Vernouillet. Noble. Voilà, j'ai fait vos dédicaces, n'est-ce pas? Vous excuserez, n'est-ce pas? C'est un peu barbouillé, mais c'est la plume qui était mauvaise. Oh, mais c'est surtout à votre portrait. Oh, je le mettrai en tête de mon album. Alors, pour vous, c'est une dédicace en vers, n'est-ce pas? Oui, oui. À vous qui des vertus nous offrez l'assemblage. Eh bien? Eh bien, c'est-à-dire que je n'ai trouvé qu'un, n'est-ce pas? Mais l'autre va venir, je le trouverai, n'est-ce pas? Ne vous fatiguez pas. Tenez, voici la vôtre. Oh, c'est très... Mais vous auriez dû vous faire faire en costume de bain. Oh, oh, papa. Oui. Moi? Pourquoi? Ben, en plongeur. En plongeur? Nous savons tout. Seriez-vous de force à retrouver au fond de la Seine? Ça ne doit pas être beaucoup plus difficile que de retrouver un homme. Non, bien sûr, bien sûr. Quoique un homme, c'est plus gros, généralement. Mais dites-moi... Comment faites-vous pour rester si longtemps sans respirer? Moi, je respire quand j'en ai envie, vous savez. Quand vous plongez, il n'y a pas moyen. Quand je plonge? Oui, par exemple, le jour où vous allez repêcher Célimare. Qui se noyait? Vous savez, là, moi, je ne sais pas nager, bon, alors... Oh, mais qu'est-ce que ça signifie? Mais j'y comprends rien. Non. Oh. Ne pas l'avouer. Il est modeste, comme tous les plongeurs. Ah. À vous qui des vertus nous offrez l'assemblage. Non, non, non, non, pas une de plus qu'elle aille se promener. Que se passe-t-il? Ce sont les cuisinières, nous ne sommes pas d'accord pour le vin. Elles me réclament 8 bouteilles par semaine. Oh, c'est trop. Mais oui, c'est de la tempérance. Moi, je leur en offre 3. Il prétend qu'il ne sait pas nager. Dites qui ça? Ah, oui. Savez-vous combien ça fait par an, 8 bouteilles? 116. Oui, mais... Eh bien, c'est révoltant. Voiture. C'est sans doute M. Bocardo qui nous amène sa femme. Pourvu qu'elle a regardé dans le chapeau. Mais je ne suis pas prête. Mon bracelet. Oh, maman, et mes bracelets? Où sont-ils? Dans ma corbeille. Il attend cette dame, j'en viens. Oh, il monte trop lentement l'escalier. Il y a sûrement une femme avec lui. Monsieur Bocardo. Me voilà. Ah, il est seul. Eh bien, et madame? Oh, vous me voyez consternée. Nous allions partir, ma femme, et tout à coup, blanc. Ça n'est pas dit. Oh, et nous qui nous faisions une fête. Oh. Elle a préféré les Tuileries, j'en étais sûr. Faire de rester pour lui tenir compagnie, elle n'a jamais voulu. Alors tenez, voilà le coupon. C'est une très bonne loge. Voilà. Bien, deuxième verre, on aura au moins 4. Mais enfant, je n'y comprends rien. Impossible de mettre la main sur tes bracelets. J'ai fouillé partout, je n'ai trouvé que ce coffret. Mais où avez-vous trouvé ça? Mais dans la corbeille. Oui, c'est moi. C'est une surprise. Il y a quelque chose dedans. Oh, les lettres d'Héloïse. Eh bien, où est donc la clé? La clé, je ne sais pas, je l'avais hier, la clé, je ne sais pas, je l'ai perdue. Oh. La voilà. Je l'ai trouvé ce matin dans la poche de votre gilet. Ah, bandard et vernouillet qui est là. Des lettres. Une écriture de femme. Elles sont signées. Chut! Pas devant lui. Quoi? Pas devant lui. Pas devant lui, c'est le mari. Le mari qui est là. Le mari, là. Oh, là, c'est ta fille. Non, pas devant lui. Comment donc vous ne saviez pas? Je savais, moi. Je savais. Oh, ça y est. À vous qui dévertuez, nous offrez l'assemblage. Non, Emma, bouquet. Il faut que je vous parle. Que je vous fasse enfin connaître votre ami. Monsieur Vernouillet. Je vous écoute, belle petite madame. Et voilà mon mari. Madame. Il serait très heureux si vous vouliez nous accompagner au concert. Il reste une place. Comment? Hein? On l'invite. Elle a un bon petit caractère. Hein? Écoutez, je ne demanderai pas mieux, mais vous savez, dans ma position, c'est encore trop récent. Enfin, le mois prochain, je ne dis pas. Oui, c'est ça, tu vois, il ne peut pas. Allez, allons-nous-en. Mais vous ne le pouvez pas non plus, monsieur. Et pourquoi? C'est encore trop récent. Oh, mais voyons, on me permet. Monsieur, voilà monsieur Célimard, qui insiste pour vous tenir compagnie. Moi, je n'aimerais pas que votre mari... Mon mari connaît cette voix. Il restera. Mais... Il ne vous manquerait plus que d'avoir le courage de l'ingratitude. Je vous défends de m'accompagner. Allons bon, nous voilà brouillés. Bon, alors, puisque c'est ainsi, nous allons faire une petite partie. Ah, comme petite autrefois. Partie. Ah, je vais chercher des dominos. Venez-vous, monsieur Bocardo. C'est-à-dire que moi, vous savez, la musique italienne. Ma femme est encore bien souffrante, alors... Je vais chercher les cartes. Oh, voyons, Emma, oh, voyons. Monsieur, allons, laissez-moi mais... Oh, ah, bonjour. Mon papa. Ça y est, voilà. Les dominos. Voilà les cartes. Oh, est-ce que je vais traîner encore longtemps ce cabriolet à 2 euros? Le bésigue est un plaisir sans fatigue. Les plus grands des bésigueurs trouvent sur terre le bonheur. Il faut de bons partenaires, savoir gagner quand l'autre perd. J'ai un 15 ans, je commence, toujours les mêmes qu'on a chance. Oh, mais laissez-moi, je suis fatigué. Le bésigue est un plaisir sans fatigue. Un bésigue qui fatigue, ce n'est plus un vrai bésigue. Qu'est-ce que tu veux? L'air de la campagne me fait du bien, moi. Ah, c'est une excellente idée qu'a eu mon Jean de louer cette maison. Oui, et depuis 8 jours, nous voilà installés ici, à Hauteur. En pleine lune de miel. Non, il roucoule. Hein. Ça me rappelle le temps où... Oh, mais taisez-vous donc. Alors, bon. Tiens, où est le journal? Le Constitutionnel? Le voici, mon ami. Merci. Il est encore sous bande. Oui. Il est amoureux qui ne prend même pas le temps de décacheter le journal. ça me rappelle le temps où... Oh, mais taisez-vous donc, voyons. Mais je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui. Mais écoute, c'est la campagne, quoi. Voici les fleurs de ma jeunesse que j'ai cueillies à plein bras. Et que j'emporte avec ivresse, tu les contempleras. Je serai toujours ta petite fille, l'amour ne me changera pas. Et seul au milieu, tu me trouveras et m'embrasseras. Regarde les fleurs de ma jeunesse que j'ai cueillies à plein bras. Je les emporte avec ivresse, embrasse-moi. Ben donc, maman, les jolies fleurs que je viens de cueillir. Et dans notre jardin, s'il vous plaît. Oh, elles sont délicieuses. Mais où est ton mari? Près du bassin, il achève de prendre son café. Je le quitte. Oh, ben alors il va venir. Tiens, le voilà. Oh, mais comment, ma petite femme, tu... Mais tu n'en finis pas de prendre ton café. Mais je n'en finis pas parce que je te regarde. Il est étonnant pour son âge. Voilà, une gorgée comme ceci. Et puis je te regarde comme ça. Tu es ridicule. Ah, elle m'a tutoyé. Gentille. Oui, ça me rappelle le temps où... Oh, mais laissez-moi tranquille, monsieur Colombo. Allons, allons. Qu'allons-nous faire? Eh bien, si nous allions nous asseoir à l'ombre... Oh, non, non, non, non, non. Il faut marcher. Bon, alors je vous propose une promenade. Oh, oui, oui, une promenade en bateau. Voilà, nous en prendrons deux. Un pour papa et maman Colombo, et l'autre... Mais pourquoi deux? Comme à Venise, chaque gondole, vous passerez devant. Oh. Oui, eh bien non, nous partirons ensemble, oui. Nous descendrons la Seine jusque Saint-Cloud. Oh oui, ça sera charmant. Bon, alors c'est entendu, on lève l'ancre. Ah, beau papa, j'ai pensé à vous. Oh, c'est gentil, ça. Oui, j'ai un petit croûton de pain pour vos poissons rouges. J'en ai déjà fait mes poches, mais ça ne fait rien. Donnez-le quand même, ils vont se régaler. Non, ils approchent quand j'arrive, oui. Et ils me regardent doux. Oui, tiens, viens avec moi, nous allons regarder leurs petits yeux. Ils sont charmants. Ils sont partis. Nous voilà seuls tous les deux. Ça arrive souvent. Je m'applaudis tous les jours d'avoir loué cette campagne. C'est vrai, un jardin charmant, un rocher et un labyrinthe. Veux-tu venir avec moi dans mon labyrinthe? Non. Non. Mon Dieu, que je suis si heureux d'être ici, loin du bruit, loin du monde. Loin de Monsieur Vernouillet, surtout. Oh, méchante, tu m'avais promis de n'en plus parler. Moi? Oui, tu m'as pardonné. Lundi, tu m'as pardonné. Ah, je vous ai pardonné. Mais je vous en veux toujours. Une pareille conduite. Oh, mais je ne te connaissais pas, et puis j'étais jeune, j'étais en... Mais tu penses bien qu'un jeune homme qui s'est laissé prendre une fois n'a pas envie de recommencer? Ça, je le crois. Oui. J'ai fait un drôle de rêve cette nuit. Ah, en étais-je? Non. Oh. Non. J'ai rêvé que Monsieur Vernouillet venait jusqu'ici pour te relancer avec un jeu de domino à la main. Eh bien, ça, j'en défie bien. Pourquoi donc? Avant de partir, voilà ce que je lui ai écrit. Mon cher ami, j'ai été pris cette nuit d'un violent accès de fièvre. Menteur. Mon médecin m'ordonne de changer d'air. Je pars pour la campagne. Venez me rejoindre dès que vous aurez un moment. Oh, eh bien... J'ai oublié de lui donner mon adresse. Oh. Oh. Et comme notre concierge à Paris ne la connaît pas, il peut chercher. Oh. Et ton autre ami, Monsieur Bocardon? Eh bien, je lui ai envoyé la même circulaire. Oh, mais pourquoi donc? Parce que ce que j'ai fait pour l'un, je refais pour l'autre. Monsieur. Oui, qu'est-ce que c'est? Une visite. Une visite? Oui, oh, c'est sans doute quelques voisins de campagne. Non, non, non, je n'y suis pour personne. Monsieur, c'est votre rhumatisme. Le numéro 1. Vernouillet! Monsieur Vernouillet? Vernouillet, mais c'est impossible! Tenez, voyez plutôt. Oh, bon ami! Oh. Mon bon ami! Mais d'où tombe-t-il celui-là? Oh. Mais vous êtes levé, mais quel imprimé, où avez-vous attrapé cette mauvaise fièvre? Oh, j'en sais rien, j'avais rien, puis ça m'est tombé dessus, comme ça tout d'un coup, mon Dieu. Oh, et puis vous êtes tout rouge, hein? Oui. C'est l'accès qui va venir. Mais vous croyez, il faut vous coucher? Oh, oh, oui. Heureusement, me voilà. Oh, car... Bonjour madame, mes hommages. Je vois que madame n'y entend absolument rien. Je me constitue votre garde-malade. Valise, une petite pharmacie, de l'arnica, de la magnésie, de l'hémétique, du taffetas d'Angleterre, nous lui donnerons tout ça. Ah, que... Pas à la fois, forcément. Ah non, j'espère. En attendant, je vais vous préparer une petite tisane. Oui. Du miel, une feuille de laitue et une pomme de rainette coupée en quatre. Pourquoi coupée en quatre? C'était la tisane de ma pauvre femme, ma pauvre Héloïse. Pourquoi vous souffrez? Non, non, rien, rien. Ah, je suis sûr que vous m'avez accusé en ne me voyant pas venir. Moi, oh, vous ne me connaissez pas. Oh, si, si, mais ce n'est pas ma faute. Votre lettre disait bien, venez me voir, mais vous avez oublié de me donner votre adresse. Quoi? Non, mais si. Oh, c'est pas possible. Quelle étourderie. Oh. Si, si, ça fait 8 jours que je vous cherche. Mon Dieu. Et puis alors, brusquement, j'ai eu un éclair. Un éclair au cœur, oui. Je me suis souvenu que vous étiez abonné au Constitutionnel. Ah bon? Oui, alors je me suis dit, il doit recevoir son journal à la campagne. Oui. Je me suis présenté au bureau du journal, on a refusé de me donner sans un mot de vous. Eh bien, voilà un bon journal, je renouvellerai mon abonnement. Mais je ne me suis pas rebuté. J'ai demandé une audience au rédacteur en chef, il me l'a accordé très gentiment. Je lui ai expliqué mon cas et il m'a renvoyé au gérant, qui m'a renvoyé au chef des départs de province, qui m'a renvoyé au chef des départs de Paris, qui m'a renvoyé au chef des départs de la banlieue. Ça a duré 4 heures. Enfin, finalement, j'ai vu votre bande, Auteuil, 44 rue La Fontaine. Votre abonnement finit le 1er octobre. Oui. Et me voilà. Merci. Merci, merci. Je me désabonne. Vous savez, l'amitié rend l'homme ingénieux. Ah. Bon, eh ben maintenant, c'est pas le tout, mais il faut tâcher de transpirer. Entrez-nous, monsieur Bocardon. Monsieur Bocardon. Oh, mais voilà au complet, maintenant. Je suis vernouillé. Donc, je peux te vanter d'être un joli étourneau. Ah bon? Tu m'écris bien me voir et tu ne me donnes pas ton adresse. Oh, mais bah alors, comment tu as fini par me découvrir? Ah bah c'est un miracle, un vrai miracle. Ah, tu as de la chance, toi. Bah, il faut vous dire que je cherche une maison de campagne pour ma femme. Alors ce matin, je me promenais dans Auteuil, m'arrêtant à chaque porte devant les écriteaux. Lorsque tout à coup, numéro 4, Minotaur, Minotaur c'est mon chien, le terme, Minotaur se dresse sur ses deux pattes de derrière, comme ça. Ah, mais sans le chapeau. Alors je l'appelle, il reste toujours comme ça, à me regarder. Alors je me dis plus de doute, Célimar est là, je sonne, je reconnais Pitois. Minotaur t'avait senti. Oh, hein? Oh, il t'aime bien, Minotaur. Hein? Bon, eh bien, puisque je t'ai retrouvé, je passe la journée avec toi. Hein? Ils vont le fatiguer, là. Je devais aller chez Léon pour lui demander des renseignements, j'irai demain. Oh, mais mon ami, il faut pas te gêner. Non, hein? Il s'agit des Nord à 12%, ça n'est pas pressé. Tiens, de mon temps, le facteur était plus exact. Monsieur. Qu'est-ce que c'est? C'est l'architecte qui vient pour la volière. Pour la volière? Ah, bon, j'y vais. Excusez-moi pour la volière. Bon, est-ce que vous pouvez peut-être me montrer ma chambre? Mais venez, monsieur. Mais non, je ne voudrais pas déranger, une petite chambre c'est assez, j'aime votre hospitalité et ne veux pas vous gêner, mais je connais les devoirs auxquels s'astreint Célimar, il veut que je sois bien logé, oh Célimar bien aimé, je ne voudrais pas déranger, mais j'aimerais être bien logé. Je viens de voir une maison ravissante, juste à côté de la vôtre, j'attends Célimar pour la louer. Mais nous serions voisins. Eh oui, porte à porte. Oh. Le soir viendrait, travaillerait pendant que nous ferions notre petit baiser. Oh, ce serait charmant. Ce n'est pas pour la vanté, mais je crois que Ninette vous plaira. Oui, elle est tout à fait dans votre genre. C'est une femme d'intérieur. Elle raccommode. Oh, vraiment? Je ne lui reproche que d'être un peu timide. Nous ne voyons personne, excepté Léon. Et encore, c'est moi qui l'ai exigé. Oui, elle le trouve nul, ce garçon. Alors pourquoi le recevez-vous? Bon, c'est un parent. La première fois que je vous amènerai Ninette, je suis sûre qu'elle aura peur. Elle est bête pour ça. Oh non, c'est à moi de lui faire la première visite. Je la lui dois, oui. Et depuis longtemps. Eh bien, faut-il vous parler franchement? Allez-y plus tôt que plus tard. Pourquoi donc? J'ai mes raisons, je ne dis rien, mais je vois clair. Chaque fois que je prononce le nom de Célimar, elle me répond par celui de Léon qu'elle ne peut pas souffrir. Entre nous, je crois qu'elle est vexée de n'avoir pas encore reçu votre visite. Oh, mais j'irai aujourd'hui même. Ah, bah ça tombe jour. Oh. Oui, nous devions faire une petite promenade en bateau, mais nous la remettrons demain. Ah, oh, mais c'est trop gentil. Monsieur. Oui? C'est votre doc. Notor, mais c'est un Terre-Neuve. Pas le doc ou Terre-Neuve, il est dans l'antichambre en train de ronger le manteau gris. Oh, le manteau de maman. Mais tu ne l'as pas empêché? Non. Il montre les dents. Bon, attends, excusez-moi, je vais l'attacher, pardon. Minotaur! Minotaur, viens ici, rentre! Eh bien, maman va être contente. Un manteau tout neuf. Voilà, la volière est commandée. 5 mètres sur 3. 5 mètres de tour. Mon ami. Oui. J'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Ah, qu'est-ce que c'est? Nous allons avoir un nouveau voisin. Tiens. Ah? Tu ne devines pas? Non. Monsieur et Madame Bocardon. Comment? Mais où ça? Ici, ils ont loué la maison à côté de la nôtre. Mais c'est de la glu. Oh, nous devons leur faire une visite. Il faut la leur faire. Ma chère amie, je suis désolé d'avoir quelque chose à te refuser. J'ai des raisons personnelles pour ajourner cette visite. Oh, mais mon ami, tu n'y penses pas. Tu vas chagriner de vieux amis. Mais... Ah, Desserton disait vrai l'autre jour. Tu n'aimes pas sa femme. Pas beaucoup, je l'avoue. Et s'il faut te le dire, je ne tiens pas du tout à ce que tu penses. Mais pourquoi, je ne sais pas moi. Parce que... Encore. Parce que Madame Bocardon est une femme, comment dirais-je, une femme un peu légère. Qu'est-ce que tu entends par là? Oui, elle a des intrigues. Comment? Chut, ne le répète pas, elle a des intrigues avec Léon, mon successeur. Non, je veux dire avec son cousin. Oh, allons donc, c'est impossible. Ah, mais si, je t'assure, ils s'écrivent, ils entretiennent une correspondance. C'est une calomnie. Tu ne me crois pas? Bon, attends, où est son chapeau? Où est son chapeau? Tiens, le voilà. Bon, très bien. Que dirais-tu si je faisais apparaître dans ce chapeau une lettre de la timide Madame Bocardon adressée à son cousin? Tu as surpris une lettre? Veux-tu me faire le plaisir d'aller chercher cet imperturbable canotier qui s'épanouit là-bas sur la table? Oui. Le chapeau, le voilà. Mais je ne comprends pas. Maintenant, regarde sous la coiffe. Non, attends. Auparavant, il faut te dire que Madame Ninette Bocardon pense dans l'administration des postes. Oui, alors elle glisse sa correspondance sentimentale franco dans le chapeau de son mari. Oui. Comment le savez-vous? Comment je le sais? Eh bien, c'est Léon. Oui, c'est ce bavard de Léon qui me l'a dit. Maintenant, fouille et tu trouveras. Mais je ne vois rien. Oh, ben, c'est impossible. Il m'a pourtant bien parlé d'Énor à 12%. Eh bien, fouille. Regarde. À gauche. Un billet. Oh, mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne vas pas lire. Il faut absolument que je sache. Ah, non, ne lis pas. Surtout pas le post-scriptum. Ils sont en général très vigoureux. Non. Mon doux Célimard. Vous avez tort d'être jaloux. Vous savez bien que je vous aime. Oh, mon Dieu. Son chapeau de l'année dernière, avec une vieille lettre oubliée. Oh, monstrueux, c'est indigne. Écoute, je vais t'expliquer. Ah, laissez-moi tranquille, je ne veux plus vous parler. Oh, mais écoute, Emma. Hier, aujourd'hui, Monsieur Bocardon. Enfin, monsieur, tous vos amis ont donc été mis à contribution. Mais enfin, quelle idée. Donnez-moi donc la liste de ces messieurs, je saurai à quoi m'en tenir. Mais c'est la fin, jure que c'est la fin. Elle est donc bien jolie, cette Madame Bocardon. Bon, mais pas du tout. Elle a un nez en trompette, menton en galoche des yeux. Eh bien alors? Eh bien alors, mais j'ai été jeune, j'ai été entraînée. Après une... Oh, mais tu ne m'as pas compris, je t'ai dit que c'était le chapeau de l'année dernière. Enfin, voyons, réfléchis une minute. Voilà 8 jours que je ne te quitte pas, que je ne suis pas sortie une seule fois. Hein, mon chéri? Tiens, et puis regarde ce chapeau, il est vieux, il est jaune, il est fané. Quelle est la date? 63, et nous sommes en 64. Oh, merci. Merci. Comment, merci. Monsieur? Oh oui, tu es convaincu maintenant? Hein? Est-ce que tu es convaincu? Oui. Oh oui. Mais vous n'en avez pas moins été l'amant de Madame Bocardon. Oh, oui. Oh, excusez-moi, là, j'ai écouté sans le vouloir. Mais remarquez, ça ne m'étonne pas. Oh, il a bien une tête à ça, celui-là. Oh, Vernouillet, ce n'est pas vous à rire de ça, hein? Et vous surtout. Et pourquoi? Moi surtout. Le mari. Viens d'attacher Minotaure, il ne voulait pas me suivre. Je te sentais. Ah oui? T'aimes bien, Minotaure. Ces deux hommes, mais insupportables. À propos de Minotaure, ça me rappelle une histoire bien drôle. Oh non, mais vous allez rire. Un soir, je rentrais chez moi avec mon chien, que je venais de promener, je le promène tous les soirs. J'arrive dans la chambre de ma femme. Non, mais laisse-moi dire. J'arrive dans la chambre de ma femme. Tout à coup, Minotaure se précipite sur la porte de l'armoire. Il se met à gratter, à aboyer. Alors je me dis, c'est un rat ou un voleur? J'ouvre l'armoire. C'était Célimard. Oh, que le diable l'emporte. Oh, il est maladroit de raconter ça, non? C'est ma femme qui l'avait là pour voir si Minotaure le sentirait. Et il l'a senti, hein, il t'a senti. C'est très plaisant. N'est-ce pas qu'elle est drôle? Ma femme avait un perroquet qui était encore plus extraordinaire que votre chien. Oui, Célimard prenait plaisir à l'instruire. Allons bon, le perroquet maintenant. Sa cage était juste dans l'antichambre. Chaque fois qu'il me voyait arriver, il criait « Voilà, monsieur! Voilà, monsieur! » C'était très commode. Il compte ça, la femme est-il bête? Oui, comme ça, je n'ai pas besoin de me faire annoncer. Taisez-vous, donc. Et pourquoi donc? Dites-moi, avez-vous vu les nouvelles constructions de l'opéra? Non. Ah non! Je n'y suis pas allé depuis notre Paris. Quel Paris? Non, on ne peut pas dire ça ici. On ne peut pas dire ça ici, non. Non. Ah, enfin, il l'a perdu, hein. C'est assez perdu. Viens avec moi voir les poissons rouges. Attendez. Vous ne savez pas ce qu'il a perdu? Un voyage! Ah. Oui! Il a été obligé de conduire Ninette à Chalon-sur-Saône! C'est sa tante! Il était furieux. C'est intolérable. Non, mais vous vous rendez compte, j'ai 50 ans, Chalon-sur-Saône. Il a vraiment aucun tact. Regardez-le, il exaspère ma femme, vous voyez bien. Ah, monsieur Bocardon, oui. Vous allez faire une partie de billard. Ah oui. Oui, mais je vous préviens, je ne joue pas d'argent. Eh bien alors, nous jouerons l'honneur. Ah oui, l'honneur. Oh. Enfin, ils sont partis. Ah oui, oh, ça, ils sont un peu ennuyeux. Ennuyeux. Oui. Ah, ils sont odieux avec leurs souvenirs. Il m'a fallu essuyer pendant une heure le récit de mon Freudet. Voyons, Emma. Oh, c'est intolérable. Vous devriez au moins m'épargner la vue de ces messieurs. Non, enfin, je ne tiens pas plus que vous à les recevoir. Voyez-les. Ben oui, mais sous quel prétexte? Ça vous regarde. Mais je vous déclare que je ne veux plus me trouver avec eux. S'ils restent, je partirai. Mais comment? Oh, choisissez. Eux ou moi. Emma. Monsieur. Ah quoi, qu'est-ce qu'il y a? C'est... T'as le chien. Il a mangé sa corde et il gratte dans les corbeilles. Oh, mais qu'est-ce que tu veux que ça me passe? Voilà le fruit d'une jeunesse passionnée. On vous amène des chiens qu'on n'a pas le droit de renvoyer, c'est le châtiment. Oh, lui et ses réflexions. Puisqu'il a le droit de gratter, qu'il gratte. Mon gendre, j'ai à vous parler. Allez, vite. Qu'est-ce qu'il y a, mon papa? Monsieur. Oui? Je quitte ma fille. Elle m'a tout appris. C'est révoltant. Un passe encore, mais deux... Ah, ça, mais c'était donc une profession chez vous. Oh, mais pardon, bon papa, mon passé n'appartient pas à ma femme. Soit, mais il ne faut pas qu'il s'installe dans votre ménage, votre passé, et qu'il racoire de chiens et de perroquets et biscornus. Qu'y faire? Je vous préviens que ces dames font leur paquet. Comment, ma femme? Je... Oui, autorisez-vous ma fille à emporter les bijoux de la corbeille. Mais qu'elle emporte ce qu'elle veut, mais qu'elle reste. Comment voulez-vous qu'elle emporte si elle reste? Eh bien alors qu'elle ne parte pas, voilà. Bon, ultimatum. Oui. Si dans 10 minutes, vous n'avez pas congédié vos deux... Allez, dites-le-moi. Allez. Non, monsieur, je ne le dirai pas. Vos deux... Commençons. C'est nous qui partirons. Mais comment faire? Bien, dites-leur la chose. Oh, oui, c'est ça, après le dîner, pendant le dessert. Mais vous êtes fous, mon père, enfin. Oh, est-ce que ces gens-là m'intéressent? Voulez-vous que je m'en charge? Non. Comme vous voudrez. Mais ma fille ne doit pas souffrir de vos déportements. Et dès que les paquets seront finis, nous partirons. Les paquets? Qu'est-ce qui part? Non, attendez. Chut. Voilà, mes chers amis, je suis navré, je suis vraiment navré. Mais nous allons être obligés de nous séparer. Demain. Oh, merci pour ce mot, oui. Mon médecin vient de me quitter. Il vient de me trouver quelque chose dans les voies respiratoires. Ah, dans la poitrine. Non, ça n'est pas exactement là. Non, c'est plutôt une sorte de sueur des bronches. Oui, voilà. Il m'ordonne d'aller passer un séjour au ciel de l'Italie, à Venise. C'est pas maladroit. Oh, pauvre ami. Ah, oui, quel coup. Ah, oui. Oh, mais j'y pense. Vous n'avez personne pour vous soigner? Ah, si, j'ai ma femme. Pas, elle n'entend absolument rien. Parce que moi, je suis libre. Je suis en vacances. Moi, je pars avec vous. Des crampons. Oh, une idée. Ninette me tourmente depuis longtemps pour voir si au lieu de louer une maison de campagne, nous partions avec toi. Ah non, hein? C'est pas possible, ils sont vissés. Allons, il faut en finir. Et puisque Célimar n'a pas le courage d'avouer sa faute... Je vais tout leur dire. Quoi? Écoutez, mes amis, ce voyage dont je vous parlais tout à l'heure, ce n'est pas un voyage, c'est une fuite. Hein? C'est une fugue. Hein? Oui, je suis ruiné. Poursuivi, traqué. La bourse... Comment, mon genre? Mais taisez-vous, vous n'y comprenez rien. Voilà. 974 000 francs, sans compter les frais. Aïe. Mais je ne vous demande rien. Mon pauvre ami. Oh, merci pour ce mot. Mais soyez sans crainte, je me relèverai. On me propose une affaire magnifique, en deux Indes, avec de la terre de Bruyère. Hein? Chut, c'est un secret, n'en parlez pas. Soyez tranquille. Oui. Et c'est là que j'ai besoin de toute votre amitié. N'en doutez pas, hein. Mon ami, compte sur moi à la vie et à la mort. Merci pour ce mot. Voilà, j'ai besoin de 100 000 francs. Allons, j'aurais pu les demander à droite ou à gauche, mais vous m'en auriez voulu, n'est-ce pas? Ça y est, je suis en train de les dévisser. Alors voilà, je vous ai fait deux parts égales. 50 000 francs à l'un, 50 000 francs à l'autre. Comme ça, il n'y aura pas de jaloux. Hein? Certainement, un vieil ami, n'est-ce pas? Dans le malheur, encore. C'est sacré. Diable. Vous allez voir qu'ils vont vous en prêter. Ah ben, s'ils me l'emprêtent, je les garde. Hein. Mais remarquez, j'ai le temps, oui. J'ai besoin de cet argent pour 5 heures et il n'est... 3 heures. Moi, j'ai 2 heures et demie, moi. Ah oui, ah, attendez. Ah, ah. Non, ah non, moi, j'ai le cas. Ah bon, 3h10. Oui, mais enfin, peu importe. Comment peu importe? Oui. Comment peu importe? Alors, il n'y a que votre montre qui... Et moi, je soutiens qu'il est 2h15. Alors, dites tout de suite que ma montre est une patraque. Patraque? La montre de ma mère? Une insulte de mère. Remarquez que je n'ai rien dit. Oh, monsieur, je ne suis pas susceptible, mais il y a de ces phrases. Qu'un galant homme ne saurait accepter. Pour s'abdiquer soi-même. Oh, monsieur, non. Non, monsieur. Si c'est une manière de nous montrer que notre présence vous gêne. Non, non, non, non, mais ma parole, il nous flanque. Allez, à la porte. Pardon. Pardon, monsieur. C'est mon chapeau. Oh, monsieur, je ne pensais pas que notre amitié dût se finir ainsi. Ni moi, certes. Allons-nous-en, monsieur. Je souffre trop. Ah, Zabi. Non, vous ne m'aimez plus. Je le sais, je l'ai vu. Vous ne nous aimez plus. Vous ne nous verrez plus. Vous nous avez déçus. On ne nous verra plus. Plus jamais, jamais plus. La li la la li la la li la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Ils sont partis. Ah oui, ils sont partis. Et pour toujours. Oh, mais comment avez-vous fait, des amis si chauds? Eh bien, je leur ai administré une potion. C'est bien simple, j'ai voulu leur emprunter de l'argent. Règle générale, on peut tout demander, tout prendre à un ami, même sa femme, mais surtout, il ne faut pas toucher à son portefeuille. Mes amis, pourquoi êtes-vous partis? Quand je vous prenais vos femmes, vous n'en faisiez pas un drame. Oui, leur argent leur est bien plus beau qu'une femme. Oui, leur argent est bien plus chaud qu'une flamme. Si on leur prenait leur âme, ils n'en feraient pas un drame. C'est parce qu'ils sont de braves gens qu'ils tiennent tant à leur argent. C'est parce qu'ils sont de braves gens qu'ils tiennent tant à leur argent.